être vécu. J'ai sans toi, je suis perdu jusqu'au bout du monde. Je te suivrai. Sans toi, la vie ne vaut d'être vécue, bébé. J'ai sans toi.